Tu en as marre de ne jamais atteindre tes objectifs. Tu en as marre d'avoir la pression d'être toujours dépassé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner trois actions à mettre en place immédiatement pour augmenter ta productivité. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à passer à l'action et à devenir des investisseurs rentables. Je te propose de télécharger une heure de formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Donc, c'est bien un problème qu'on a aujourd'hui et qu'on a de plus en plus avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations et on est en fait, d'avoir trop d'informations nous tue l'information, c'est ce qu'on dit assez facilement, mais c'est une réalité, puisqu'en fait, on est déconcentré, on sort à chaque fois de ce qu'on veut faire et du coup, à la fin de la journée, on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait se fixer. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place des routines. On dit qu'une routine met environ 30 jours pour une habitude, mais environ 30 jours pour être implémenté et que ça ne te demande plus d'efforts, que ça te demande moins de volonté. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place ce que je vais te dire, les trois actions que je vais te donner, tenir 30 jours pour qu'ensuite ton cerveau s'habitue à ces actions et que ça soit plus difficile de le faire. Le matin, quand tu te lèves, tu vas te laver. C'est pas difficile, tu te dis pas « Ah, c'est dur, je dois aller me laver. » Parce que ton cerveau, il a pris ça comme une routine et il va se laver. Si jamais tu as l'habitude de boire un café le matin, tu n'as aucun problème pour aller boire ton café, tu y vas, c'est même un plaisir parce que ton cerveau ne va pas user de la volonté, il va directement, il sait ce qu'il a à faire, il va se laver, il va boire un café, il va se prendre un petit déjeuner, il va se brosser les dents, il va s'habiller, etc. Il faut que tu rajoutes des éléments et on va voir lesquels sont les plus efficaces tout de suite pour augmenter ta productivité. Il faut que tu rajoutes absolument des éléments et que tu te forces à le faire pendant 20 jours, 30 jours, pour qu'ensuite ça s'habitue et ça devienne une routine et que tu n'aies même plus la pression réellement de le faire. Donc l'action numéro 1, ça va être d'arrêter ou de diminuer drastiquement la télévision. En gros, quand tu es devant la télévision, tu es non productif. Alors, tu peux bien évidemment voir une série, voir un film que tu kiffes. Mais si tu as des objectifs à faire, ce que tu fais, c'est que tant que tu n'as pas atteint tes objectifs de la journée ou de la semaine, pas de télé. Tu vas gagner environ 5 heures à 7 heures par jour, par semaine. La moyenne, c'est, je crois que c'est, je me demande si la moyenne, c'est pas 3 heures par jour que les Français passent devant leur télé. Donc, je peux te dire ça parce que moi, avant, j'étais un gros consommateur de télé. Et depuis que je ne la regarde quasi plus, mes journées ont forcément rallongé. Donc, numéro 1, pendant 30 jours, tu ne vas jamais allumer la télé si tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'es fixé. 30 jours, ça va être difficile au début, mais au fur et à mesure, en fait, tu vas t'apercevoir que elle ne t'apporte pas grand-chose, la télé. Tu regardes un journal télévisé sur lequel tu n'as aucun poids, aucune influence. Tu regardes des émissions et c'est exactement la même émission le lendemain et en final, ça te divertit pas tant que ça et ça t'apporte pas grand chose. Donc voilà, tu fais ça pendant 30 jours, pas de télé tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et par contre, quand tu as atteint tes objectifs, dans ces cas-là, tu peux te récompenser en regardant une petite demi-heure de télé, une série sympa ou un film avec ta chérie, avec ton copain, pas de souci. L'action numéro 2 que tu vas mettre en place, c'est que si tu n'as pas assez de temps dans la journée pour faire toutes les choses que tu as à faire et atteindre tes objectifs, donc tu vas retirer la télé et là, tu vas te lever une demi-heure plus tôt, juste une demi-heure plus tôt. Tu vas voir, ça va être difficile. Je sais ce que tu te dis, mais moi, je ne suis pas du matin, Damien, c'est pas possible. Ok, une demi-heure. Je ne te dis pas 2 heures, je ne te dis pas 3 heures, je te dis une demi-heure plus tôt. Et cette demi-heure plus tôt, tous les matins, tu vas le faire au bout de 30 jours, ça sera devenu habituel. Si jamais tu te lèves normalement à 7 heures, tu vas te lever à 6h30. Et bizarrement, ça te sera devenu une évidence pour toi que de te lever à 6h30 parce que tu auras ancré, tu auras fait un nouveau ancrage dans ton cerveau et ça sera devenu carrément normal de se lever une demi-heure plus tôt. Pendant cette demi-heure-là, tu bosses pas, tu fais des choses pour toi, de la méditation, du sport, de la lecture, de l'écriture, boire un café, te détendre, tu tu fais des choses pour toi, sur toi, et tu postes aux objectifs que tu dois atteindre dans la journée. Cela va te donner de la force pour atteindre tes objectifs parce que du coup, tu les auras visualisés. Donc, 30 jours comme ça, au début, ça va te paraître fatigant, tu vas avoir l'impression d'être fatigué, et au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que c'est bon et qu'en fait, tu as juste gagné une demi-heure par jour. Je te compte pas à la limite samedi, dimanche. Donc, du lundi au vendredi, une demi-heure, ça fait 2 heures et demie. À prendre le temps de faire des choses pour toi, de méditer, de faire du sport, de lire, d'écrire, faire des choses que tu kiffes. Okay? Pas répondre à tes mails au niveau du travail, pas regarder Facebook. Vraiment, des choses qui vont t'apporter à toi en investissant sur toi. L'action numéro 3, je suis pas un ayatollah par rapport à ça, mais limiter ta consommation d'alcool. Ça se trouve, tu bois pas. Mais si tu bois, sache que quand tu bois, forcément, le lendemain, forcément après, ben, tu es moins productif, tu es moins efficace. Si tu te prends une grosse cuite le soir, le lendemain matin, tu auras du mal à te lever une demi-heure plus tôt. En aucun cas, ça veut dire arrêter de boire, ça veut dire arrêter de vivre. Moi, tu sais, si tu me suis, je veux qu'on kiffe la vie. Par contre, limiter son alcool, je veux dire, voilà, si tu prends une cuite, tu sais que le lendemain, tu es HS. Et si tu es HS le lendemain, et même si tu te lèves tôt, tu feras semblant parce que tu ne seras pas productif. Tu vas perdre en productivité, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Si tu n'atteins pas tes objectifs, tu vas t'en vouloir, tu ne vas pas être bien et tu vas derrière, tu vas culpabiliser. Et ça, c'est le pire truc pour un investisseur, c'est le pire truc pour un entrepreneur, c'est de culpabiliser. Parce que du coup, ça ne fait pas avancer, ça fait broyer du noir. Je résume les 3 actions à mettre en place pour augmenter ta productivité. Action numéro 1, on ne regarde plus la télé tant qu'on n'a pas atteint ses objectifs de la journée. L'action numéro 2, on se lève une demi-heure plus tôt. Et l'action numéro 3, on limite sa consommation d'alcool pour être opérationnel, tout le temps opérationnel, opérationnel, et pas se faire polluer et rabaisser sa productivité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale, on est sorti de l'investissement immobilier, mais c'est important parce que si t'es pas bien dans ta tête, si tu as l'impression de ne pas atteindre tes objectifs, si tu as l'impression d'être frustré, tu ne peux pas être un bon investisseur, tu ne peux pas être un bon entrepreneur parce que tu n'es pas complètement à ce que tu fais. Donc voilà, si tu as aimé en tout cas cette vidéo, n'hésite pas à la partager à des amis à toi qui sont intéressés pour augmenter leur productivité, pour faire des investissements rentables également. Mets-moi un gros like, dis-moi en commentaire si tu as d'autres habitudes qui pour toi te permettent d'augmenter ta productivité et qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui te freine dans ta productivité et t'empêche d'atteindre tes objectifs. Donc n'hésite pas à me le mettre directement dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu as juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner, il y aura une petite cloche, t'appuies, comme ça tu recevras toutes les notifications quand je mettrai des vidéos. Je mets des vidéos assez régulièrement, j'en mets 2-3 par semaine. Donc on reste connecté, on reste branché, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!